الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé العقيدة الواسطية, écrit par l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. Comme nous avons vu, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a exposé dans cet ouvrage la croyance du groupe sauvé. Ce groupe qui sont ceux qui sont restés sur ce quoi était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu anhum. Et il a commencé dans cet ouvrage, après l'introduction, par mentionner ce qui est lié à la foi, au nom et aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu dans un cours précédent quelques règles à ce sujet, puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé à mentionner un certain nombre de versets dans lesquels sont exposés différents noms et attributs de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc voir aujourd'hui, tout d'abord, des versets dans lesquels sont exposés l'attribut d'al-ilm, le savoir, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa majesté. Et nous allons voir dans ces versets que le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est un savoir parfait et qu'il cerne par son savoir l'ensemble de ses créatures subhanahu wa ta'ala. Le premier verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné concernant cet attribut est le verset 2 de Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا » Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manière explicite qu'il sait parfaitement ce qui entre en terre, parmi les gouttes d'eau qui atteignent le sol et pénètrent en ses profondeurs. Il sait également ce qui se trouve dans la terre comme graines, comme plantations, comme trésors enfouis, comme morts qui y sont enterrés, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent se trouver sous la terre, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qui s'y trouve. Et il sait également ce qui en sort, ce qui sort de la terre, parmi les végétaux, parmi les métaux, et autres choses qui peuvent sortir de la terre également. Il sait aussi ce qui descend du ciel, à l'exemple de la pluie, des anges ou autres. Et il sait ce qui monte vers le ciel, comme les anges, les œuvres des serviteurs, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est qu'on trouve dans celui-ci l'affirmation du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un savoir qui cerne toute chose. Rien n'échappe au savoir de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-ilm fait partie de ses attributs, et ce savoir cerne toute chose parmi les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné un autre verset, qui est le verset 59 de Surat al-An'am, dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ C'est lui qui détient les clés de l'imperceptible. Al-ghayb, on le traduit par l'imperceptible. Vous pouvez aussi parfois le trouver traduit par l'invisible, l'inconnaissable. Mais ce qui paraît le plus proche, c'est l'imperceptible, ce qui ne peut être atteint par les sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala détient seul les clés de al-ghayb et tout ce qui peut mener à la connaissance de la science d'al-ghayb. La ya'lamuha illa hu. Nul autre que lui ne les connaît. Nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a connaissance d'al-ghayb. Et quiconque prétend connaître une chose d'al-ghayb, alors, par cette prétention, il a commis la mécréance wal'iyadu billah. Car ceci est une science, un savoir réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul à en détenir les clés. Et les clés de l'imperceptible, Elles ont été expliquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les clés d'Al-Ghaib sont au nombre de 5. Nul n'en a connaissance en dehors d'Allah. Puis il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit: Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a. Certes, Allah détient la science de l'heure. Quand est-ce que viendra l'heure? Ceci est la première clé. Wa yunazzilu al-ghayth. C'est lui qui fait descendre la pluie. La deuxième clé, d'al-ghayb. Wa ya'lamu ma fil arham. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, ce qu'il y a à l'intérieur des femmes ou tout mammifère femelle, dans cet organe qui peut contenir l'embryon ou le fœtus. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui s'y trouve, et ceci fait partie des clés d'Al-Ghaib. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain. Ce qui se produira demain, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait, cela fait partie d'Al-Ghaib. Nous l'ignorons, même si on peut avoir des projets, penser que l'on va faire certaines choses, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous acquerrons demain, bi'idhnihi ta'ala. Et ceci est la quatrième clé. Puis la cinquième clé, il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Nul ne sait où il va mourir. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait cela. Donc, mafatihul ghaib, les clés de l'imperceptible, que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient, elles ont été expliquées et détaillées dans ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, pour revenir au verset de surat al-An'am, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. Il sait ce qui se trouve dans la terre. Il sait ce qu'il y a sur terre comme habitants, comme végétation, comme animaux, et ainsi de suite. Wal-bahar. Wa ya'lamu ma fil bar. Wal-bahar. Et il sait ce qui se trouve en mer également. Tout ce qui se trouve comme être vivant, comme joyau, ou comme chose enfouie sous la mer, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Car sa science est une science parfaite qui cerne toute chose. Ensuite, il nous détaille cela et il dit: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre ou qui tombe des végétaux sous la mer sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Il sait quand cette feuille tombe et à quel endroit elle tombe, de manière précise. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Et il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Ni rien de frais ou de sec. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Sans que cela ne soit consigné dans un livre explicite. C'est-à-dire que rien ne se produit dans la création sans que cela ne soit écrit fi al-lawh al-mahfouz. La tablette préservée. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ces deux versets qui nous démontrent que l'ilm fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le savoir, et que son savoir cerne toute chose. Également, on voit à travers ces versets l'affirmation que l'ghaib, l'imperceptible, seul Allah subhanahu wa ta'ala en détient le savoir. Et on voit aussi, dans le deuxième verset, l'affirmation du destin et de l'écriture sur les tablettes préservées. Et tout ce qui est lié au destin, nous le verrons au moment venu, Inch'Allah ta'ala. Mais ce qui est visé ici est de savoir que ce verset nous démontre que toute chose est écrite. Ensuite, il a mentionné une partie du verset 11 de Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. C'est-à-dire que toute femme ou toute femelle parmi les animaux qui porte en elle un fœtus, un embryon, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Et lorsqu'elle met bas, lorsqu'elle accouche, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Rien ne sort de son savoir et de son administration subhanahu wa ta'ala. Chaque femelle, il sait la date, le moment où elle portera en elle cet embryon, ce fœtus. Et il sait également à quel moment elle accouchera ou elle mettra bas. Et il sait également quel est le genre de cet embryon qui est porté, s'il sera un mâle ou une femelle, un garçon ou une fille. Tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement, avant que cela ne se produise, car sa science cerne toute chose, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur a mentionné une partie du verset 12 de Surat At-Talaq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ » afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toute chose. Donc ceci est lié au début du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens « Allah est celui qui a créé les sept cieux et autant de terre. » Donc, parmi les sagesses de la création des cieux et de la terre, il y a le fait que l'on sache qu'Allah est capable de toute chose, que l'on prenne connaissance de la perfection de son pouvoir et de sa capacité subhanahu wa ta'ala. La deuxième sagesse, il nous dit وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا et qu'Allah cerne toute chose de son savoir. C'est-à-dire afin que vous sachiez que le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose et que rien n'échappe à son savoir parmi les créatures. Rien ne peut échapper ou sortir du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets également, ils nous démontrent l'affirmation de l'attribut d'al-ilm, le savoir, qui est un savoir qui cerne toute chose. Et il y a également l'affirmation de l'attribut d'al-qudra, la capacité, qui est une capacité parfaite, un pouvoir parfait, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Donc la foi en cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi au ilm, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient un savoir parfait, qui cerne toute chose parmi les créatures. Cela va éveiller chez le croyant et engendrer dans son cœur une crainte pieuse à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va l'aider à atteindre le degré d'al-ihsan, la bienfaisance, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme étant que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Allah subhanahu wa ta'ala te voit, il t'observe et il sait parfaitement toute chose. Rien n'échappe à son savoir subhanahu wa ta'ala. Pas même ce que tu fais la nuit seul dans l'obscurité. Même s'il n'y a personne avec toi, même si tu es dans l'obscurité, même si tu es entouré de quatre murs, d'un sol, d'un plafond, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu fais. Tu dois donc faire preuve de pudeur à l'égard de ton Seigneur et prendre garde à ne pas agir d'une manière qui te ferait encourir sa colère, subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu fais. Plus encore, avant que tu ne le fasses, Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu vas le faire. Et il sait même ce que tu as l'intention de faire et que tu n'as pas encore fait. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur et ce que renferme ta poitrine, subhanahu wa ta'ala. Il sait quelle est ton intention lorsque tu agis, si tu es sincère ou si tu agis par ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose. Donc la foi en cet attribut doit éveiller en toi cette crainte révérentielle, cette crainte pieuse à l'égard d'Allah et t'aider à purifier tes intentions, t'aider à faire preuve de piété que tu sois seul ou en public et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 58 de Surat Az-Zariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin » Certes, Allah est le grand pourvoyeur, ar-razzaq, le détenteur de la force, dhul quwwa, l'inébranlable. Al-Matin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Al-Razzaq. Nul ne donne la subsistance en dehors de lui. Et c'est lui qui accorde la subsistance à l'ensemble des créatures. C'est lui qui leur accorde ce dont ils ont besoin. Et il est Al-Razzaq, ceci nous indique qu'il accorde la subsistance de manière large et abondante, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est Al-Razzaq, que c'est lui qui nous donne notre subsistance, ceci nous indique que nous ne devons adorer que lui, subhanahu wa ta'ala. Car nul ne peut mériter l'adoration si ce n'est le Créateur, Seigneur, Souverain et Pourvoyeur de ses créatures? Comment pourrait-on adorer une créature qui n'est pas celui qui nous donne notre subsistance? La subsistance provient d'Allah. C'est lui qui t'accorde tout ce dont tu as besoin pour subsister. À commencer par cet air que tu respires, la boisson dont tu t'abreuves, les aliments dont tu te nourris, et ainsi de suite. Tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Il est donc le seul en droit d'être adoré. Et il est Dhul Quwwa, le détenteur de la force, c'est-à-dire une force parfaite, qui n'est atteint par aucune forme de faiblesse. Et il est Al-Matin, qui est traduit par l'inébranlable, et c'est celui qui détient un pouvoir fort et puissant, celui qui atteint en termes de force et de puissance le plus haut degré. Donc, dans ses actions, il n'est touché ni par la difficulté, ni par la gêne, ni par la fatigue, subhanahu wa ta'ala, car il est Al-Matin. Sa force et sa puissance sont parfaites. Donc il y a, dans ce verset, l'affirmation de deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Razzaq et Al-Matin. Et il y a également l'affirmation de l'attribut de la force qui est une force parfaite comme on a dit, qui n'est mêlée à aucune faiblesse ni aucune fatigue, car c'est une force parfaite. Et nous affirmons cela d'une manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné deux versets concernant l'affirmation de l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Il a dit, rahimahullah, وَقَوْلُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ainsi que sa parole, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est une partie du verset 11 de Surat al-Shura, dans lequel il dit, selon le sens, « Rien n'est semblable à lui ». On a déjà expliqué cela dans un cours précédent. Rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami' al-basir. Et il est as-sami' celui qui entend l'ensemble des sons. Al-basir, celui qui voit toute chose. Rien n'échappe à sa vue, que ce soit sur terre, dans le ciel ou sur la mer. Il voit parfaitement toute chose subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, il contient la preuve évidente. Et c'est un argument clair parmi les arguments les plus explicites concernant la véracité et la justesse de la croyance des gens de la sunnah concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord nié tout semblable, puis ensuite il a affirmé être celui qui entend et celui qui voit toute chose. Donc il a affirmé ces deux attributs, l'ouïe et la vue, après avoir nié tout semblable. Donc ceci nous indique que on doit affirmer l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont venus dans les textes, d'une manière qui sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, sans les altérer, sans les renier, sans en chercher ou en décrire le comment, et sans les comparer aux attributs des créatures. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une partie du verset 58 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allaha ni'imma ya'idhukum bih, inna Allaha kana sami'an basira. » Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait, c'est-à-dire dans le début du verset, lorsqu'il dit selon le sens « Certes Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et que, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Ensuite il dit quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend ce que vous dites. Et il voit ce que vous faites. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ces deux versets l'affirmation de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont As-Sami' et Al-Basir, que l'on a traduit selon le sens rapproché, celui qui entend et celui qui voit. Et on a vu que cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend toute chose, car son ouïe est une ouïe parfaite, et il voit toute chose, car sa vue est une vue parfaite. Et de ces deux noms, on affirme les deux attributs qui sont l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Car les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens de science l'ont mentionné, ce sont des noms qui indiquent également des attributs. C'est-à-dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas dénués de sens. Une créature Elle peut s'appeler, par exemple, Kerim, généreux, et être parmi les plus avares. Elle peut s'appeler Rahim, miséricordieux, et ne jamais faire preuve de clémence. Et ainsi de suite parmi les exemples. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ils indiquent également ce qui est lié à cela comme sens et comme attribut. Donc lorsqu'on affirme un nom pour Allah subhanahu wa ta'ala comme As-Sami', on affirme également l'attribut qu'implique ce nom qui est l'attribut de lui. Lorsqu'on affirme son nom Al-Basir, celui qui voit, on affirme également l'attribut de la vue. Et ainsi de suite avec les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir dans la suite de ce livre, incha'Allah ta'ala. Donc également, concernant la foi en l'attribut de l'ouïe et la foi en l'attribut de la vue, nous dirons la même chose que nous avons dit concernant l'attribut de l'ilm, l'attribut du savoir. Le fait que tu aies foi en ces deux attributs d'Allah et que tu aies la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'entend, cela doit te pousser à réfléchir avant de parler et avant d'agir. Est-ce que ce que tu souhaites dire te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que cette parole te fera encourir la colère d'Allah? Est-ce que ce que tu souhaites faire est un acte aimé et agréé de ton Seigneur qui te voit et t'observe? Ou est-ce que c'est un acte qui risque de te faire encourir sa colère et son châtiment subhanahu wa ta'ala? Tu dois te poser cette question avant de parler et avant d'agir. Et si tu fais cela, il ne fait aucun doute que tu feras partie des pieux et des vertueux, et que tu augmenteras en termes de foi, et que tu t'élèveras en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui à la foi faible, celui qui ne cherche pas à connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qui ne se soucie pas de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend parfaitement ce qu'il dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit parfaitement ce qu'il fait, alors celui-ci ne se soucie pas de cela. Il œuvre, il parle, il agit, comme bon lui semble, sans réfléchir aux conséquences. Ou il œuvre suivant ses passions et ses désirs, sans se soucier du regard de son Créateur subhanahu wa ta'ala. Et parfois même on trouve des gens qui vont agir se souciant du regard des créatures. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Que vont-ils penser de moi si j'agis ainsi? Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils m'entendent prononcer cette parole? Oubliant le Seigneur de ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'entend. Préoccupe-toi du regard de ton Seigneur avant de te préoccuper du regard des créatures. C'est ainsi que se doit d'agir le croyant qui a la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami' Al-Basir, celui qui entend et voit toute chose, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, est passé à des versets concernant l'affirmation de deux autres attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont Al-Mashi'a et Al-Irada. Al-Mashi'a et Al-Irada. Donc, ces deux attributs, je n'ai pas trouvé de mots en français pour les traduire distinctement. Car les deux mots en français, ils signifient la volonté. C'est pour cela qu'on va les mentionner en langue arabe afin de faire la différence. Et les deux, ils nous indiquent l'attribut de la volonté. Il a donc mentionné tout d'abord une partie du verset 39 de Sourate Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » En entrant dans ton jardin, tu devrais dire « C'est ce qu'Allah a voulu. Il n'y a de force que par Allah. » C'est ce qu'Allah a voulu. C'est-à-dire que ce jardin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de le faire perdurer ou de le faire disparaître. Donc celui qui dit « Masha Allah, la quwwata illa billah », il manifeste son indigence. Et il reconnaît que il est dans l'incapacité et n'a aucunement le pouvoir de faire perdurer ou non ce jardin, ou toute autre chose parmi les choses de ce bas monde. Mais que la puissance et la force tout entière sont détenues par Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi nos salafs, rahimahumallahu ta'ala, ont dit, concernant ce verset, que celui qui voit une chose, qu'il émerveille, alors qu'ils disent, « Masha Allah, la quwwata illa billah. » Surtout si cette chose est en toi, « que ce soit concernant ta personne, ton physique, tes capacités, ou concernant ta maison, les biens que tu possèdes, ton épouse, tes enfants, et ainsi de suite. Prononce cette parole, Masha'Allah, c'est ce qu'Allah a voulu. La quwwata illa billah, il n'y a de force que par Allah. Toi, tu n'as aucune force, ce n'est pas toi qui décide de la présence ou non de ces bienfaits. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de te les accorder. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une partie du verset 253 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَوْ شَاءَ اللَّهِ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدَ » Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc vous voyez qu'on retrouve dans ce verset les deux attributs que l'on a mentionnés, Al-Mashi'a et Al-Irada. لَوْ شَاءَ اللَّهِ, l'attribut d'Al-Mashi'a, يَفْعَلُ مَا يُرِيدَ, l'attribut d'Al-Irada, que l'on a traduit tous deux par « si Allah avait voulu, mais Allah fait ce qu'il veut ». Donc ce verset, il nous montre que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que ceux qui s'entretuent ne se soient pas entretués, alors ils ne se seraient pas entretués, car il ne se passe dans son royaume et sous sa souveraineté que ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Et nul ne peut repousser ses décisions ou changer ses décrets. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une partie du premier verset de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Uhillat lakum bahimatul an'am » Vous est permise la bête du cheptel. « Illa ma yutla alaykum » Sauf ce qui vous sera énoncé, c'est-à-dire sauf ce qui vous sera énoncé comme interdit. « Ghayra muhillis saydi wa antum hurum » Ne vous permettez pas la chasse alors que vous êtes en état d'ihram, en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la umra. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Certes, Allah décide ce qu'il veut. Concernant les jugements également, concernant les lois religieuses, Allah décide ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il rend licite ce qu'il veut, et il rend interdit ce qu'il veut, et nul ne peut faire objection aux décisions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a dans ces trois versets la preuve de l'attribut d'Al-Mashi'a et l'attribut d'Al-Irada, que l'on a traduit tous deux par la volonté. Et également l'attribut d'Al-Quwwa, la force, dans le verset de Surat Al-Kahf, la Quwwata illa billah, et Al-Hukm, le jugement, dans le verset de Surat Al-Ma'ida. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Allah décide ce qu'il veut, la décision, le jugement. Il décide et il juge de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc nous affirmons ces quatre attributs pour Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui sied à sa majesté. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, toujours concernant ces deux attributs, il a mentionné le verset 125 de Surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ » Celui qu'Allah veut guider, celui à qui Allah veut faciliter l'acceptation du bien, celui à qui Allah veut donner un cœur qui acceptera le bien, il lui ouvre la poitrine à l'islam. C'est-à-dire qu'il élargit sa poitrine afin que celle-ci puisse accepter et recevoir la vérité. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ Et celui qu'il veut égarer, celui qu'il veut détourner de l'acceptation de la vérité, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا Il rend sa poitrine étroite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez élargie pour accepter la vérité. Il la rend donc dayiqa, haraja, et gênée, c'est-à-dire très serrée de sorte à ce que il n'y ait aucune voie pour que le bien ne puisse y pénétrer. Ka'annama yas'adu fis sama, comme s'il s'efforçait de monter au ciel, c'est-à-dire comme s'il s'imposait de faire une chose dont il n'a pas les capacités. Imaginez une personne qui essaierait de monter au ciel et qui essaierait sans cesse de faire cela. Elle s'imposerait une chose dont elle n'a pas les capacités. Elle serait donc remplie de gêne et la poitrine serrée. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a comparé le mécréant concernant la lourdeur de la foi sur lui qu'il ne peut porter à celui qui essaierait de faire une chose dont il n'a pas les capacités comme le fait de monter au ciel. Il n'y arrive pas. Et de la même manière, le mécréant, La foi est trop lourde pour lui, trop large pour lui, il ne peut la porter ni l'accepter. Donc ce verset, il nous démontre l'affirmation de l'attribut d'al-irada, la volonté, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cet attribut englobe le fait de guider ou d'égarer. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour certaines de ses créatures la guider, et il veut pour d'autres l'égarement subhanahu wa ta'ala de par sa sagesse parfaite. Et donc concernant cet attribut, al-irada et al-mashi'a, il est important de comprendre que al-irada, la volonté divine, elle est de deux sortes. La première sorte, c'est al-irada al-qawniya al-qadariya, la volonté que l'on traduit parfois par universelle et liée au décret, c'est-à-dire la volonté liée à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et cette irada-là, c'est al-mashi'a. Elle a le même sens que al-mashi'a. Al-irada al-kawniya, c'est al-mashi'a. Ce sont deux attributs qui sont synonymes. Et c'est cette irada que l'on retrouve dans le verset وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Ceci est la volonté universelle liée au décret d'Allah. C'est ce qu'il a voulu qu'il se produise. La deuxième irada, c'est al-irada ad-diniya ash-shar'iyya, la volonté religieuse. C'est-à-dire ce qu'Allah veut pour ses créatures, parmi les choses qu'il aime et qu'il agrée. Mais celles-ci ne se produisent pas forcément. Contrairement à la première catégorie d'irada, qui est liée à son décret et se produit inévitablement. Mais la volonté religieuse, elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Et c'est celle qu'on retrouve, par exemple, dans la parole d'Allah. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut accueillir votre repentir. Allah veut cela. Il veut accueillir le repentir de ses serviteurs. Mais il y en a parmi eux qui ne se repentent pas. Ou il y en a parmi eux qui se repentent d'un repentir qui n'est pas sincère. Et autre exemple similaire. Donc cela peut se produire comme cela peut ne pas se produire. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, yuridu li yutahhirakum, et il veut vous purifier, c'est-à-dire d'une volonté religieuse qui peut se produire ou ne pas se produire. Donc la différence entre ces deux volontés, la volonté liée au décret d'Allah, la volonté universelle, et la volonté religieuse, c'est que la volonté universelle, ce qu'Allah a décrété, il se peut que ce soit une chose qu'Allah aime et agrée, tout comme il se peut que ce soit une chose qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées, il y a des choses qu'il aime et qu'il agrée, et il y a des choses qu'il n'aime pas et qu'il n'agrée pas. Il a décrété la foi du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala aime cela et l'agrée. Il a décrété la mécréance du mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela et ne l'agrée pas. Mais cela fait partie de son décret. Tandis que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de sa volonté religieuse, cela est forcément une chose qu'il aime et qu'il agrée. Cela est forcément une chose qu'il aime et qu'il agrée, comme la foi, l'obéissance, les actes de bien et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, dans le sens où il a décrété la désobéissance, la mécréance, le polythéisme, mais il n'agrée pas cela religieusement. La deuxième différence entre ces deux volontés est que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et décrète, ce qui est lié à sa volonté universelle, al-irada, al-kawniya, ce sont des choses qui ne sont pas visées en elles-mêmes. Ce sont des choses qui ne sont pas visées en elles-mêmes. Comme la création de Iblis et l'ensemble des choses mauvaises. Ce ne sont pas des choses qui sont visées en elles-mêmes. Mais il y a une sagesse derrière la création de ces choses. Car cela va permettre aux croyants de lutter sur le sentier d'Allah, de se repentir et d'implorer le pardon lors des péchés, et ainsi de suite parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc il a décrété et décidé et voulu des choses qu'il n'aime pas et n'agrée pas, mais il y a en cela une sagesse, qui est de te pousser à faire des choses justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tandis que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de sa volonté religieuse, al-irada al-shar'iyya, al-diniya, ce sont des choses visées en elles-mêmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'obéissance, il l'a décrété, il l'a voulu religieusement, c'est-à-dire qu'il l'aime et qu'il l'agrée. La troisième différence qu'il y a entre ces deux volontés, entre al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iyya, c'est que ce qui est lié à l'irada al-kawni, à la volonté universelle, se produit inévitablement. Tandis que ce qui est lié à l'irada al-shara'iyya, la volonté religieuse, ne se produit pas forcément. Cela peut se produire comme cela peut ne pas se produire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, le shaykh, rahimahullah, après nous avoir démontré qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala al-mashiyya et al-irada, afin de nous faire comprendre qu'il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose, bien qu'il ne l'aime pas, il a mentionné les versets liés à l'attribut de l'amour, al-mahabba, dans lesquels on retrouve les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ce afin de réfuter ceux qui n'ont pas fait la différence entre ce qu'Allah veut, dans le sens de son décret, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime parmi les choses qu'il veut de sa volonté religieuse. Et on verra ces versets, inshallah ta'ala, dans le prochain cours. بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا